veux conquérir ton esprit. Quelque chose me l'interdit. J'aimerais t'avoir dans ma vie. Je ne peux trahir un ami. Je n'ai vraiment rien à regretter, car tu m'as inspiré. Comment tenir sans tout casser? Que dois-je choisir? Que puis-je faire pour m'en sortir? Car je ne peux te le dire. Je ne pense qu'à toi. Je t'aime.